garde. J'ai même pris la précaution de la voiler pour la garder rien que pour moi. Et en plus je sais qu'elle aime bien ça. Et c'est pour ça que je l'aime à bouffer et que je la garde. J'ai même pris la précaution de la voiler pour la garder rien que pour moi.